Laura, Chino, c'est pour tous les cœurs brisés. D'une jeune maman et qui rêve tous les soirs d'obtenir un enfant. Ça arrivera enfin, je crois bien sans crainte. Elle rencontre un copain qui la mettra enceinte. Quelques jours de calme avant de se faire tester. On lui dira madame, vous portez un bébé. La joie est présente soudain sur son visage. Un petit dans son ventre, c'est le rêve à son âge. Prends-moi son passé, c'est les échographies. Jusqu'à là tout est parfait, y'a pas d'anomalie. Et au bout des 9 mois, elle encaisse des douleurs. Et elle fut prise au pas et elle accouche de bonheur. Elle regarde le ciel, elle croit que son rêve est fait. Un nouvel arc-en-ciel est sur elle en effet. C'est la joie enfin bref, je ne crois pas jusqu'à tard. Car elle se trouve que son rêve a tourné au cauchemar. Docteur le regarde avec un regard inquiet. Sa mère monte la garde, sa nouvelle est lancée. Manquait plus que 10 doigts afin d'avoir son bonheur. Mais cela s'arrête là après le discours du docteur. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. Aussi de vous annoncer qu'il ne sera jamais grand. Je me trouve dans un cas où la vie est pathétique. De voir qu'il n'est des cas en étant trisomique. Mais aujourd'hui la science ne permet pas de savoir aussi bien à l'avance les malheurs de plus tard. Quand on a fait tous les tests, n'aurait jamais deviné. C'est pour ça que ça me vexe, je croyais qu'il serait parfait. Oui, vous auriez cru que cet enfant serait bon. Mais vous êtes déçus, là dû à la malédiction. La vie elle est comme ça, elle est parfois très lâche. Et désolé mon gars, que veux-tu que j'y fasse. Cette musique est un appel à tous les parents concernés qui ont vécu une chose de telle mais malgré ça n'ont rien lâché. Nous savons dans cette vie qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Et j'aimerais parler à Dieu afin de lui en faire un débat. Il y a beaucoup de gens bien ainsi que pas mal d'injustices. Et du début à la fin à ne pas parler de la liste. Et oui toi qui est normal ne critique pas ce qu'ils ne sont pas. Et ça me fait mal quand je dis ça et c'est pour ça qu'on le sont pas. Cette musique est un hommage à tous les gens qui l'ont vécu. Qui font que moucher leurs larmes avec un rouleau de PQ. Sachez bien que sur cette terre il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des beaux. Il y a des moches, des paillots, il y a des poches. Mais sachez quoi qu'il en soit, nous sommes tous des êtres humains. Ensemble regagnons la foi afin de pouvoir construire demain. Y a rien de tel que Chino pour te dire qu'il est trisomique. Je dédicace aux gens bien ainsi qu'à tous les trisomiques.